La petite fille, c'est moi à 5 ans. Oh, tu es horrible. Merci. Le garçon blond, c'est mon frère. Il est drôle. Oui, c'est un vrai clown. Les deux personnes à gauche, ce sont mes parents. C'est en Espagne, à l'hôtel Playa, des vacances, super. Et ta sœur? Ma sœur, elle est sur une autre photo avec son petit ami. Regarde. Ah oui, il y a une grande différence d'âge entre ta sœur et toi. Oui, 12 ans. C'est beaucoup. Oui, je suis un peu son enfant.